Chapitre 18e. Une lune de miel en cachette. Le village où Edward Arundel avait conduit sa femme était à quelques milles de Winchester. Le jeune soldat était devenu familier avec cette retraite au début de son enfance, en venant y passer une partie des vacances du milieu de l'été chez un de ses camarades de pension, et il avait depuis lors conservé un bon souvenir des ruisseaux pleins de truites, de la riche verdure des vallées et des collines qui entouraient le charmant petit noyau de cottage au toit de chaume, les jolies villas aux murs blancs et la vieille église grisâtre. Mais pour Mary, qui ne connaissait de la ville et de la campagne que les environs noirâtres d'Oakley Street et les plaines marécageuses de Lincolnshire, ce village de Hampshire sembla un paradis champêtre où ni chagrin ni malheur ne devait jamais pénétrer. Elle avait tremblé à l'idée de voir Olivia arriver dans Oakley Street, mais là, elle vit s'envoler toute la terreur que lui inspirait sa rigide belle-mère. Protégée, abritée par l'amour de son jeune mari, elle s'imaginait qu'elle pourrait y vivre éternellement heureuse et tranquille. Elle fit cet aveu à Edward par une matinée de soleil, pendant qu'ils étaient assis sur le bord du ruisseau à truite favorite du jeune homme. L'attirail de pêche du capitaine Arundel s'étalait sur le gazon à côté de lui, car il avait été entraîné à oublier une énorme truite qu'il avait guettée et cherché à prendre par ruse pendant plus d'une heure. Il s'était étendu tout de son long sur le bord de l'eau, appuyant sur les genoux de Mary sa tête sans chapeau. L'enfantine jeune mariée eût été contente de rester à tout jamais ainsi, dans cette solitude champêtre, roulant ses doigts dans les belles boucles brunes de la chevelure de son mari, et fixant timidement ses doux yeux sur sa belle figure, si candide, si rayonnante au milieu de son repos sans souci. La prairie onduleuse était à moitié cachée par un brouillard de lumière dorée, interrompu seulement çà et là par l'éclat de quelques rayons plus brillants, se jouant sur les eaux murmurantes des ruisseaux qui serpentaient à travers les pâturages de la plaine. Les tours massives de la cathédrale, les murs grisâtres de Saint-Cross apparaissaient vaguement dans le lointain. Le bruit de la chute d'eau d'un moulin résonnait comme une chanson monotone au milieu de la chaleur assoupissante qui régnait dans l'atmosphère. Mary quitta des yeux la figure qu'elle aimait pour contempler le beau paysage qui l'entourait, et une tendre solennité envahit son esprit. Elle ressentit pour cette belle terre un amour respectueux et une admiration qui approchèrent presque de l'effroi. « Comme cet endroit est joli, Edward, » dit-elle. Je n'avais pas l'idée qu'il y eût d'aussi charmantes retraites sur terre. Savez-vous que je préférais l'humble position de paysanne ici à celle d'héritière du Lincolnshire ? Edward, si je vous demande une faveur, me l'accorderez-vous ? Elle parlait sérieusement, regardant la figure de son mari tournée vers le ciel. Mais le capitaine Arundel se contenta de rire de sa question, sans même se donner la peine de relever ses paupières appesanties qui s'étaient refermées sur ses yeux bleus. « Oh, ma bien-aimée, pourvu que vous demandiez autre chose que la lune, il n'est pas probable que votre mari dévoué se refusera à votre prière. Notre lune de miel ne compte pas encore 15 jours, chère Polly. Vous ne voudriez pas me voir devenir tyran aussi vite que cela ? Parlez, Mrs. Arundel, et affirmez votre dignité de matrone anglaise. Quelle est la faveur que j'ai à vous accorder ? Je veux que vous viviez toujours ici, cher Edward. » dit la voix enfantine d'un ton caressant. « Ce n'est pas seulement 15 jours ou un mois que je demande, c'est toujours, toujours. Je n'ai jamais été heureuse à Marchmont Towers. Papa y est mort, vous savez, et je ne puis l'oublier. Peut-être cela aurait-il dû me rendre sacrée la demeure où il avait vécu, et je l'ai envisagée ainsi effectivement. Mais elle a été sacrée comme l'est la tombe de papa dans l'église de Camberling. Et je regarde comme une profanation d'y être heureuse ou d'y oublier mon cher père même un seul instant. Ne retournons pas là-bas, Edward, je vous en prie. Laissons-y vivre en paix, ma belle-mère. Je trouve cruel et égoïste de l'éloigner d'une maison où elle a si longtemps commandé. Monsieur Gormby continuera à percevoir les revenus, vous savez, et nous enverra tout l'argent qui nous sera nécessaire. Nous prendrons cette jolie maison que nous avons vue de l'autre côté de Milldale. La maison à pigeonniers entourée de grands arbres, où les grôles font leur nid, et qui est sur le devant une pelouse allant en pente jusqu'au bord de l'eau. Vous savez que vous n'aimez pas le Lincolnshire, Edward, pas plus que moi, et il n'y a presque pas de ruisseau à truites près des Towers. Le capitaine Arundel ouvrit les yeux et abandonna sa position horizontale avant de répondre à sa femme. « Ma chère et bien-aimée Polly, dit-il en souriant, la douce figure tournée vers la sienne d'un air sérieux, ma chère petite femme enfuie de chez elle, les gens riches ont des devoirs à remplir aussi bien que les gens pauvres. Et je crains bien que cela soit impossible pour vous de vous cacher dans ce village écarté du Hampshire et de déserter à tout jamais Marchmont Tower et ses dépendances. J'aime votre esprit enfantin et si peu mondain, ma chérie, et je souhaite parfois que nous soyons deux grands enfants, habitant les bois et errant ensemble à la recherche des fleurs sauvages, des mûres et des noisettes, jusqu'à ce que les ombres du soir nous entourent et que les rouges-gorges viennent s'abriter dans les branchages au-dessus de nos têtes. Ne croyez pas que je sois là de notre lune de miel, Polly, ou que je tienne à Marchmont Towers plus que vous, mais je doute fort que votre projet d'absence soit praticable. Le monde proclamerait ma petite femme excentrique, si elle fuyait sa grandeur, et Paul Marchmont l'artiste, dont votre pauvre père avait mauvaise opinion, entre parenthèses, vous ferait interdire comme lunatique. « Paul Marchmont ?» répéta Mary. « Papa détestait-il, monsieur Paul Marchmont ?»« Oui. » Le pauvre John avait, je crois, une espèce de prévention contre cet homme. Mais ce n'était qu'une prévention, car il m'avoua franchement qu'il ne pouvait l'expliquer par aucune raison. Pourtant, quoi qu'il en soit de M. Paul Marchmont, il vous faut habiter les Towers, Mary. Jouer le rôle de la fée bienfaisante en chef dans tout le voisinage, veiller sur votre propriété, avoir de longues entrevues avec M. Gormby, et devenir tout à fait une femme d'affaires, afin que lorsque je retournerai dans l'Inde... Mary l'interrompit en poussant un petit cri. « Retourner dans l'Inde ? Que voulez-vous dire, Edward ?»« Je veux dire, ma chérie, que mon métier sur terre est de me battre pour ma reine et mon pays, et de ne pas vivre au crochet de ma femme. Vous ne supposerez pas que je vais déposer mon sabre à l'âge de 27 ans et vivre de ma pension. Non, Polly. Vous vous rappelez ce que disait Lord Nelson sur le pont du Trafalgar. Cette parole a beau être répétée, elle ne perdra jamais sa force. Il faut que je fasse mon devoir, Polly. Il faut que je fasse mon devoir, quand bien même ce devoir m'entraînerait du côté opposé à l'amour, quand bien même il me faudrait vous quitter, ma chère petite femme, pour aller servir mon pays. » Mary joignit ses mains de désespoir et regarda piteusement son mari pendant que des larmes roulaient le long de ses joues pâles. « Oh, Edward ! » s'écria-t-elle, « comme vous êtes cruel ! Comme vous êtes cruel pour moi ! À quoi bon ma fortune si vous refusez de la partager avec moi ? Si vous ne voulez pas la prendre tout entière ? Car elle est à vous, mon cher aimé, elle est toute à vous. Je me souviens des paroles de la messe du mariage. Je te fais don de tous mes biens. Je vous ai donné Marchmont Towers, Edward. Personne au monde ne peut vous l'enlever. Vous ne serez jamais, jamais assez cruel pour m'abandonner. Je sais combien vous êtes brave et bon, et je suis fier de songer à toutes vos belles actions dans l'Inde, au noble courage que vous y avez déployé. Mais vous avez combattu pour votre pays, Edward. Vous avez fait votre devoir. Personne ne peut exiger de vous plus encore. Personne ne vous enlèvera à moi. Oh, mon cher mari, promettez-moi de me protéger et de me défendre tant que nous vivrons. Vous ne me quitterez pas. Vous ne me quitterez pas, n'est-ce pas ? Edward Arundel sécha avec des baisers les larmes qui mouillaient les joues pâles de sa femme et l'attira contre sa poitrine. « Ma bien-aimée, dit-il tendrement, vous ne sauriez croire combien cela me chagrine de vous entendre parler ainsi. Que puis-je faire ? Renoncer à ma carrière, ce serait me réduire presque à la pauvreté. Que dirait le monde en parlant de moi, Mary ? Songez-y. Ce mariage clandestin serait un terrible déshonneur pour moi, s'il était suivi d'une vie de paresse, si je profitais des avantages que m'offre votre fortune. » Personne n'osera calomnier le soldat qui consacre les plus belles années de sa vie au service de son pays. Vous ne voudriez pas me voir insouciant de mon honneur, ma chère Mary. C'est pour mon honneur qu'il faut que je vous quitte. « Oh non, non, non !» s'écria la jeune femme avec un faible gémissement. Dévouée comme elle l'avait été dans toutes les autres crises de sa jeune existence, elle ne pouvait songer en ce moment à l'abnégation et être raisonnable. Le désespoir s'emparait d'elle à l'idée de se séparer de son mari. Non, pas même pour son honneur, elle ne pouvait se décider à le laisser partir. Mieux valait pour elle qu'ils mourussent tous deux maintenant, au milieu de leur bonheur. « Edward, Edward !» dit-elle en sanglotant et s'attachant convulsivement au cou du jeune homme. « Ne me quittez pas, ne me quittez pas !»« Voudrez-vous alors venir avec moi dans l'Inde, Mary ? » Elle releva la tête tout à coup et regarda son mari bien en face. La joie brillait dans ses yeux à travers ses larmes, comme le soleil d'avril brille à travers un ciel pluvieux. « J'irai au bout du monde avec vous, cher aimé, » dit-elle. « Les sables brûlants et les jungles mortelles ne m'effrayeront pas si je suis près de vous, Edward. » Le capitaine Arundel sourit de son ton sérieux. « Je ne vous mènerai pas dans les jungles, ma chère petite femme, » répondit-il en plaisantant. « Ou si je vous y mène, votre palanquin sera bien gardé, et les bêtes fauves seront soigneusement tenues à l'écart de votre précieuse petite personne. Un grand nombre de dames vont dans l'Inde avec leur mari, Polly, et reviennent sans avoir par trop souffert du climat et du voyage. Sauf la question de votre fortune, je ne vois pas pourquoi vous ne viendriez pas avec moi. Oh, ne vous inquiétez pas de ma fortune, l'aura qui voudra. Polly, dit le soldat sérieusement, il nous faut consulter Richard Paulette sur l'avenir. Je ne crois pas que j'ai bien fait de vous épouser en son absence, et j'ai trop tardé de lui écrire, Polly. Ses lettres doivent être écrites cet après-midi. La lettre à M. Paulette est celle pour votre père? Oui. Et celle pour ma cousine Olivia aussi. La figure de Mary redevint inquiète en entendant le capitaine Arundel parler de sa belle-mère. « Faut-il que vous annonciez notre mariage à ma belle-mère » dit-elle. « Mais certainement, cher. Pourquoi le lui laisser ignorer? Le testament de votre père lui a donné le droit de vous conseiller, mais non celui de gêner votre choix, quel qu'il fût. Vous étiez votre maîtresse, Mary, quand vous m'avez épousée. Quel motif avez-vous de craindre ma cousine, Olivia ?»« Aucun, peut-être, » répondit tristement la jeune fille. « Mais je la crains. Je sais que je suis bien enfant, Edward, et vous avez tout lieu de me mépriser. » Vous qui êtes si brave. Mais je ne pourrai jamais vous dire combien je tremble à l'idée de retomber au pouvoir de ma belle-mère. Elle m'a dit des choses cruelles, Edward. Chaque mot qu'elle prononçait me semblait un coup de poignard au cœur. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus encore. Il y a quelque chose que je ne puis décrire, que je ne puis comprendre, et ce quelque chose me dit qu'elle me hait. Qu'elle vous hait, ma chérie? Oui, Edward. Oui, elle me hait. Ce n'a pas toujours été ainsi, vous savez. Elle n'était jadis que froide et réservée, mais en dernier lieu, ses manières ont changé. J'ai pensé qu'elle était peut-être malade, et que ma présence la fatiguait. Les gens malades désirent souvent être seuls. Oh, Edward, je l'ai vu reculer devant moi, et frissonner si sa robe touchait la mienne, comme si j'avais été quelque horrible créature. Qu'ai-je fait, Edward, pour qu'elle me haïsse ainsi? Le capitaine Arundel fronça les sourcils et chercha à résoudre ce problème féminin. Mais il lui fut impossible d'y rien comprendre. Oui, ce que Mary avait dit était parfaitement vrai. Olivia la haïssait. Le jeune homme s'était aperçu de cela dans la matinée où la jeune fille s'était enfuie de Marchmont Towers. Il avait vu que la fureur vengeresse et l'emportement de la rage contractaient la sombre figure de la veuve de John Marchmont. Mais quelle raison pouvait avoir cette femme pour haïr cette innocente jeune fille? 100 fois le cousin d'Olivia s'adressa à cette question, et à la 100e, il se trouva tellement éloigné de la vérité qu'il ne put y répondre qu'en inventant les motifs les plus vils aux sentiments haineux de la veuve. « Elle est envieuse de la fortune et de la position de ma chère petite femme, » se dit-il. « Mais vous ne me laisserez pas seule avec ma belle-mère, n'est-ce pas, Edward ?» dit Mary, revenant à son ancienne prière. « Je n'ai pas peur d'elle, ni de personne, ou de quoi que ce soit au monde, tant que vous êtes avec moi, comment aurais-je peur? Mais je crois que si je devais me trouver de nouveau seul avec elle, je mourrais. Elle me parlerait encore comme elle m'a parlé la nuit du bal, et ses amers reproches me tueraient. Je ne pourrais supporter de nouveau d'être en son pouvoir, Edward. Et vous n'y serez plus jamais, ma chérie, répondit le jeune homme, serrant dans ses bras nerveux la frêle et tremblante jeune femme. Mon enfant bien-aimé, vous ne serez plus exposé à l'insolence ni à la tyrannie de cette femme. Vous serez abrité, protégé et entouré de soins par l'amour de votre mari. Et quand je m'embarquerai pour l'Inde, vous partirez avec moi, ma perle. Mary, relevez la tête et souriez-moi. Ne parlons plus des belles-mères cruelles. Comme cela me semble étrange, Polly, que vous qui aviez tout le bon sens d'une femme quand vous étiez enfant, vous soyez si enfant maintenant que vous êtes femme. La maîtresse de Marchmont Towers regarda son mari avec inquiétude, comme s'il redoutait que son caractère d'enfant ne lui fût désagréable. « Vous ne m'en aimez pas moins à cause de cela, n'est-ce pas, Edward ? » demanda-t-elle timidement. « À cause de quoi, mon trésor ? À cause de mon enfantillage, Polly ? » s'écria le jeune homme. « Croyez-vous que Jupiter aime à moins Hébé parce qu'elle était aussi fraîche et aussi pure que le nectar qu'elle lui servait. S'il l'eût moins aimée, il eût envoyé chercher Clotho, ou Atropos, ou quelqu'une autre des vieilles filles de l'enfer pour lui verser à boire. Je ne vous veux pas autrement que vous n'êtes, Polly. Je ne veux pas que vous changiez du tout. » La jeune femme jeta sur son mari un regard de ravissement où se lisait son innocente affection. « Je suis trop heureuse, Edward, » dit-elle tout bas, et d'un ton à demi effrayé, « je suis trop heureuse. Tant de bonheur ne pourra jamais durer. » Hélas, l'expérience de la vie que la jeune orpheline avait faite de bonheur lui avait enseigné ce que tant de gens apprennent si tard. Elle avait appris à se méfier du ciel toujours bleu, de la splendeur glorieuse du soleil dans tout son éclat. Elle était habituée au malheur. Mais ces courtes échappées de bonheur parfait jetaient dans son âme une espèce de terreur vague. Ce qu'elle éprouvait ressemblait aux émotions qui agiteraient quelques voyageurs terrestres ayant franchi sans s'en douter le seuil du paradis. Au milieu de sa joie et de son admiration, elle tremblait que le moment n'arrivât où les anges sans pitié, armés d'épées flamboyantes, viendraient la chasser de la céleste demeure. « Cela ne peut durer, Edward, » murmura-t-elle. « Ne peut durer, Polly. » C'est que le jeune homme, comment ma colombe se transforme tout d'un coup en une corneille? Nous avons surmonté tous les obstacles, Polly, comme le héros et l'héroïne de l'un de vos romans, et qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre dorénavant comme eux éternellement heureux? Si vous vous en souvenez, ma chère, les épreuves ou les chagrins n'accablent jamais les gens après leur mariage. Les persécutions, les séparations, les difficultés de se voir, tout cela précède la cérémonie. Lorsqu'une fois votre romancier conduit pour de bon son héros et son héroïne au pied de l'autel, il les mène parfois à l'église, puis il empêche la publication des bans où il fait apparaître une première femme ou un mari légitime qui surgit de derrière un pilier pour s'opposer au mariage, et il entraîne de nouveau le malheureux couple hors de l'église pour les persécuter pendant 300 pages encore avant de les y faire revenir. Mais lorsqu'une fois les paroles solennelles sont prononcées et l'anneau de mariage glissé au doigt, l'histoire est finie. Et le recouple à 40 ou 50 ans de bénédiction devant lui, en guise de compensation pour toutes les misères qu'il a endurées en 12 mois de cours assidu et gêné par toutes sortes d'entraves. C'est ainsi que cela se passe, n'est-ce pas, Polly? L'horloge de Saint-Crosse, sonnant faiblement par-delà les prairies, marqua 3 heures au moment où le jeune homme cessait de parler. « 3 heures, Polly, » s'écria-t-il, « il nous faut rentrer, ma chérie. J'ai l'intention de songer aux affaires aujourd'hui. » Tous les jours, depuis le commencement de cette heureuse lune de miel, le capitaine Arundel avait déclaré, à peu près dans ces termes, son intention de songer aux affaires, c'est-à-dire de se mettre résolument à l'œuvre pour écrire ses lettres qui devaient annoncer et expliquer son mariage aux personnes qui avaient le droit d'en être informées. Mais le soldat éprouvait de la répugnance à écrire et une horreur toute particulière pour les communications épistolaires connues sous le nom de lettres d'affaires, de sorte que les charmantes journées d'été glissaient rapidement, l'après-midi dans un demi-sommeil délicieux, la soirée dans de doux rêves et les nuits au clair de lune, et le capitaine renvoyait la tâche pour laquelle il n'avait aucun goût, du déjeuner au dîner et du dîner au déjeuner, toujours entraîné loin de son nécessaire de voyage tout prêt pour écrire, par un mot de Marie qui l'appelait à la fenêtre pour regarder un joli enfant sur la pelouse du village, devant l'auberge, ou le chien du forgeron, ou l'âne du rétameur ambulant, ou un jeune Italien porteur d'un orgue de barbarie qui s'était égaré dans ce coin reculé, ou le fringant boucher de Winchester qui passait 2 fois la semaine avec un char à bord attelé d'un poney, faisait grand bruit en venant prendre les commandes de la gentry des environs et insultait et défiait le boucher de l'endroit dont l'étalage semblait se composer généralement d'un gigot de mouton et d'un foie de porc. Le jeune couple prit lentement le chemin des prairies, traversant les rustiques pots en bois jetés sur le courant tortueux, s'arrêtant pour regarder dans l'eau claire les poissons que le capitaine Arundel montrait du doigt, mais que Mary ne voyait jamais, attendu que la jeune femme fixait toujours ses yeux sur quelque herbe flottant au gré du courant, pendant que la truite mouchetée que désignait son mari filait sans bruit au fond de l'eau verdâtre. Ils s'arrêtèrent au moulin à l'ombre duquel quelques enfants pêchaient à la ligne. Ils profitèrent de tous les prétextes pour allonger leur promenade au soleil, et ne rentrèrent à l'auberge qu'au moment où sonnait 4 heures, juste à l'heure fixée pour le dîner par le capitaine Arundel. Mais, après le simple petit repas, doux et sans art dans sa nature, comme la belle jeune mariée elle-même, après que l'aubergiste sympathique mais respectueux eut servi en personne ses 2 voyageurs, après que la jolie petite chambre rustique eût été mise en ordre et débarrassée de tout l'attirail du dîner, Edward Arundel commença à réfléchir sérieusement à l'affaire du moment. « Ces lettres doivent être écrites, Polly, » dit-il en s'asseyant à une table près de la fenêtre ouverte. Des branches grimpantes de jasmin et de chèvrefeuille formaient une espèce d'encadrement à la fenêtre à petits carreaux. Les fleurs parfumées pénétraient dans la chambre à chaque souffle de la chaude brise du mois d'août et allaient en voltigeant s'attacher aux rideaux d'indienne. Le regard rêveur de M. Arundel plongeait par cette fenêtre ouverte sur le paysage champêtre dehors, sur les cottages éparpillés de l'autre côté de la pelouse, les troupeaux à l'abreuvoir, les oies qui caquetaient en revenant à la basse-cour à travers la propriété communale, empourprés par les rayons du soleil, les commères du village qui bavardaient au-dessous de l'enseigne effacée, suspendue devant la taverne blanche à toit bas qui se dressait à l'angle de la route. Il regardait tout cela en arrangeant sur la table son pupitre à dessus de cuir et en faisant beaucoup de bruit pour l'ouvrir et le placer commodément. « Ces lettres doivent être écrites. Ces lettres doivent être écrites, » répéta-t-il avec un soupir étouffé. « Avez-vous jamais remarqué dans la papeterie une propriété particulière, Polly ?» Mrs. Edward Arundel se contenta d'offrir dans toute leur grandeur ses beaux yeux bruns et dévisagea son mari. « Non, je vois que vous n'avez rien remarqué, » dit le jeune homme. « Au fait, comment l'auriez-vous pu ? Heureuse Polly, vous n'avez jamais eu encore à écrire des lettres d'affaires, quoique vous soyez une héritière. » « La propriété particulière de la papeterie, ma chère, c'est qu'elle possède par intuition la certitude du but pour lequel on s'en sert. Si l'on a à écrire une lettre désagréable, Polly, cela vient avec moins de peine, vous savez. On peut arrondir ses périphrases et veiller à l'orthographe des mots difficiles, oh, je crois, je reçois, oh, jusqu'à ce que, et autres mots du même genre, beaucoup mieux avec une bonne plume, douce, allant toute seule, bien taillée et qui semble vous dire « Allons !» Du courage, mon gaillard, je vous mènerai jusqu'au bout, et nous arriverons à votre obéissant serviteur avant que vous sachiez où vous en êtes, etc., etc. Mais Polly, mon cher cœur, dès qu'un pauvre diable, qui n'en a pas l'habitude, essaie d'écrire une lettre d'affaires, tout tourne contre lui. La plume sait à qui elle a affaire, elle crache, elle va de travers, elle rue sur le papier comme un vieux cheval à l'agonie. L'encre devient épaisse et gluante, le papier est graisseux comme le pavé de Londres après qu'il a tombé de la neige, et le pauvre diable finit par renoncer à la tâche et succomber à la force des circonstances. Vous verrez, Polly, si ma plume ne crache pas dès que j'écrirai le nom de Richard Paulet. » Le capitaine Arundel arrangea minutieusement sa feuille de papier et commença sa lettre d'un air de résolution. Auberge du Cerf-Blanc, Milldale, près Winchester, le 14 août. « Mon cher monsieur. » Il écrivit tout ceci avec une grande promptitude, puis s'accoudant sur la table, il regarda sa jolie jeune femme et exécuta un roulement sur son menton à lui en le tapotant du bout des doigts. Mary était assise en face de son mari à la fenêtre ouverte et travaillait ou faisait semblant de travailler à quelque impossible fragment de broderie en laine de Berlin pendant qu'elle contemplait Edward. « Comme vous êtes jolie dans cette robe blanche, Polly, » dit le soldat. « C'est bien une robe, n'est-ce pas? Vous avez des noms si bizarres pour vos objets de toilette, et cette écharpe bleue, comme elle vous va bien aussi. Vous deviez toujours être en blanc, Mary, comme vos homonymes à l'étranger qui sont voués au blanc par leur mère fervente et deviennent une bénédiction pour les blanchisseuses pendant les 7 ou 14 premières années de leur vie. Que vais-je dire à Paulette? Il est si jovial que ce ne doit pas être chose difficile que de lui écrire. Mon cher monsieur me paraît un peu cérémonieux. Mon cher Paulette, cela vaut mieux. Je vous écris la présente pour vous informer que votre cliente, Miss Mary March, qu'est-il, Polly ? C'était le facteur, jeune garçon monté sur un poney, qui apportait le courrier venu de Londres dans l'après-midi. Le capitaine Arundel jeta sa plume et s'approcha de la fenêtre. Il s'intéressait à l'arrivée du jeune homme, car il avait donné l'ordre que les lettres qu'on apporterait à son hôtel de Covent Garden lui fussent adressées à Milldale. « Je pense qu'il y aura probablement une lettre d'Allemagne, Polly, » dit-il avec animation. « Ma mère et Laetitia aiment à soigner leur correspondance. Je parierai n'importe quoi qu'il y a une lettre et j'y répondrai dans celle que je vais écrire ce soir. Je ferai ainsi d'une pierre deux coups. Je descends pour parler au facteur, Polly. » Le capitaine Arundel faisait bien d'aller chercher ses lettres, car il y avait peu de chances qu'on les lui apportât. Le jeune facteur était sous le porche où il buvait de l'ale à même un grand pot en terre cuite et causait avec l'aubergiste lorsqu'Edward parut. « Y a-t-il des lettres pour moi, Dick ?» demanda le capitaine. Il connaissait le prénom de presque tous les visiteurs ou habitués de la petite auberge, quoiqu'il n'y avait pas encore 15 jours qu'il fût arrivé. Il était aussi populaire et admiré que s'il eût été quelque jeune et peu fier squire des environs et maître de tout le pays autour du village. « Oui, monsieur, » répondit le jeune homme, ôtant sa casquette, « il y a 2 lettres pour vous. » Il tendit les 2 missives au capitaine Arundel, qui examina d'un air de doute l'adresse de la lettre du dessus. Cette adresse, ainsi que celle de la seconde lettre, avait été modifiée par les gens de l'hôtel à Londres. La première adresse était d'une écriture qui lui était inconnue, mais la lettre portait le timbre du bureau de poste de Dangerfield. Sur le derrière de l'auberge se trouvait un berger, et par la porte ouverte en face du porche, Edward Arundel voyait les basses branches des arbres et les fruits mûrs que dorait le soleil de l'après-midi. Il entra dans ce verger pour y lire ses lettres. Son esprit était un peu troublé par l'écriture inconnue qui figurait sur l'enveloppe portant le timbre de Dangerfield. Cette lettre était de la femme de charge de son père, qui le suppliait de revenir au parc sans retard. Le squire Arundel avait été frappé d'une attaque de paralysie, et les médecins disaient que le danger était imminent. Mrs. et Miss Arundel ainsi que Reginald étaient en Allemagne. La vieille fidèle servante implorait le fils cadet de ne pas perdre de temps pour accourir s'il voulait retrouver son père vivant. Le soldat s'appuya du dos contre le tronc gris et noueux d'un vieux pommier, et il regarda cette lettre avec une figure pâlie par la terrible nouvelle. Que devait-il faire? Il devait se rendre auprès de son père, évidemment. Il devait partir sans le moindre retard et prendre le premier train qui l'emmènerait vers Southampton. Il n'y avait pas à réfléchir sur ce qui lui était commandé par le devoir. Il fallait s'éloigner, laisser sa jeune femme toute seule. Il ressentit au cœur une douleur aiguë, et il frissonna comme sous l'influence d'une terreur inconnue en songeant à cela. « C'est heureux que je n'ai pas écrit mes lettres, » se dit-il. « Personne ne connaîtra le secret de la retraite de ma bien-aimée. Elle pourra rester ici jusqu'à ce que je revienne. Dieu sait que je m'empresserai d'accourir auprès d'elle dès que mon devoir me le permettra. Ces bonnes gens de l'auberge auront soin d'elle. Personne ne saura où la prendre. Je suis très content de n'avoir pas écrit à Olivia. Nous étions si heureux ce matin. Qui aurait pu croire qu'un malheur viendrait nous séparer si tôt ?» Le capitaine Arundel regarda sa montre. Il était 6h15. Il savait qu'un express partait de Southampton à 8h. Il aurait le temps de prendre ce train à l'aide du vigoureux poney de l'aubergiste du Cerf-Blanc, qui l'entraînerait vers la station en 1h30. Oui, il arriverait juste à temps de ce train, mais il avait bien peu de temps devant lui pour consoler sa petite femme et pour l'amener à se résigner à cette séparation momentanée. Il revint vers le porche en toute hâte, expliqua brièvement à l'aubergiste ce qui était arrivé, ordonna qu'on attelât immédiatement le poney au gigue, et gravit ensuite lentement l'escalier qui menait à la chambre où sa jeune femme, assise auprès de la fenêtre ouverte, attendait son retour. Mary leva les yeux sur lui dès qu'il entra, et un seul regard lui suffit pour comprendre qu'il était arrivé quelque malheur. « Edward !» s'écria-t-elle en se levant brusquement de sa chaise avec un air d'épouvante. « Ma belle-mère est arrivée !» Même dans son chagrin, le jeune homme sourit de la terreur qu'inspirait à sa faible jeune femme le souvenir d'Olivia Marchmont. « Non, ma chère, » dit-il, « plutôt ciel que nous n'eussions d'autre malheur à redouter que l'apparition de la veuve de votre père. Il est arrivé quelque chose, Mary, quelque chose de très douloureux, de très sérieux pour moi. Mon père est malade, Polly, très dangereusement malade, et il faut que j'aille auprès de lui. » Mary Arundel respira à plein poumon. Sa figure était devenue très pâle, et ses mains, qui s'appuyaient fortement sur l'épaule de son mari, tremblaient un peu. « J'essaierai de supporter votre absence, » dit-elle, « j'essaierai de la supporter. »« Dieu vous bénisse, ma bien-aimée, » répondit le soldat avec ferveur, en serrant sa jeune femme sur son cœur. « Je sais que vous ferez votre possible pour supporter cette séparation. Elle sera très courte, chère Mary. Je reviendrai dès que j'aurai vu mon père. S'il va plus mal, il sera inutile que je reste à Dangerfield. S'il va mieux, je viendrai vous chercher pour vous conduire auprès de lui. Ma chère petite bien-aimée, une séparation pareille est très pénible pour nous, mais je sais que vous l'endurerez en héroïne, n'est-ce pas, Polly ? J'essaierai, cher Edward, j'essaierai. » Elle se contenta de prononcer ces quelques paroles, mais elle se suspendit au bras de son mari, non pas avec la force du désespoir, ni avec l'élan tumultueux et bruyant de la douleur, mais avec l'abattement d'une demi-résignation à peu près semblable à celle de l'homme qui se noie et qui, sentant que ses forces sont presque épuisées, s'attache instinctivement à l'épave flottante qu'il se sait incapable de retenir longtemps. Mary Arundel suivit son mari çà et là pendant qu'il faisait rapidement ses préparatifs pour ce voyage inattendu, mais quoiqu'elle n'eût pas la force de l'aider, car ses mains tremblantes laissaient tomber tous les objets dont elle s'emparait, et le brouillard qu'elle avait devant les yeux l'empêchait de bien voir ce qu'elle regardait, elle ne le retarda pas par de bruyantes lamentations, elle ne l'affligea pas par ses larmes. Elle souffrit ainsi qu'elle en avait l'habitude, sans démonstration extérieure. Le soleil déclinait à l'horizon quand elle descendit avec Edward sous le porche devant lequel le poney de l'aubergiste et le gig étaient prêts et attendaient sous la garde d'un jeune homme alerte qui devait conduire M. Arundel à Southampton. Il n'y avait pas de temps à perdre pour des adieux prolongés. Cela valait peut-être mieux ainsi, songea Edward. Il serait si tôt de retour que la douleur causée par son départ, douleur qui chez lui n'était pas moins vive que chez Mary, semblait une douleur inutile qu'il eût été lâche de laisser percer. Mais malgré ce beau raisonnement, le soldat sentit son cœur se briser quand il vit, à la lueur du soir, la figure enfantine de sa femme se tourner piteusement vers lui et lui adresser un appel muet, exprimant aussi bien que des paroles échappées de ses lèvres tremblantes combien elle désirait qu'il abandonnât tout et restât auprès d'elle. Il serra dans ses bras ce corps fragile. Hélas, il ne lui avait jamais paru aussi fragile que maintenant, et couvrit la pâle figure de baisers passionnés et de larmes abondantes. « Que Dieu vous bénisse et vous défende, Mary, que Dieu garde !» Il eut honte du tremblement de sa voix, et écartant tout à coup sa femme, il s'élança dans le gig, saisit les rênes que tenait le jeune garçon et lança le poney au galop. Le véhicule, façonné à l'antique, disparut dans un nuage de poussière, et Mary, regardant son mari avec des yeux que les larmes n'avaient pas mouillés jusque-là, ne vit qu'une lumière éblouissante et confuse et un paysage champêtre qui vacillait, montait et s'abaissait comme les vagues agitées par la tempête. Il lui sembla, en revenant lentement dans sa chambre et en s'asseyant au milieu du désordre des porte-manteaux ouverts et des cartons à chapeau renversés, que le jeune homme avait jeté un peu partout en choisissant à hâte ce qui lui était nécessaire pour son voyage précipité. Il lui sembla que la plus grande calamité de sa vie venait de la frapper maintenant. Elle songea au départ d'Edward Arundel avec autant de désespoir qu'elle avait songé à la mort de son père. Elle ne voyait pas au-delà de l'angoisse de cette séparation. Elle ne pouvait se prouver à elle-même qu'il n'y avait pas lieu de se chagriner de la sorte, que la séparation n'était que momentanée et que son mari lui reviendrait dans quelques jours au plus tard. Maintenant qu'elle était seule, que la nécessité de faire preuve d'héroïsme n'existait plus, elle s'abandonna complètement au désespoir qui s'était emparé de son âme depuis le moment où Edward Arundel lui avait annoncé la maladie de son père. Le soleil se coucha derrière les collines empourprées qui bornaient le petit village à l'ouest. Les cimes des arbres du verger, au-dessous de la fenêtre ouverte de la chambre de Mrs. Arundel, devinrent confuses dans le crépuscule. Peu à peu, le bruit des voix dans les salles du rez-de-chaussée fit place à un calme complet. La fraîche campagnarde au jour rose, qui servait la jeune femme et son mari, monta avec deux bougies dans de vieux chandeliers en argent curieusement travaillés et demeura quelques instants dans la chambre, attendant les ordres de la pauvre délaissée. Mais Mary avait fermé la porte de sa chambre à coucher et était assise, la tête appuyée sur l'allège de la fenêtre ouverte, regardant tristement le verger qu'envahissait l'obscurité. Ce ne fut que lorsque les étoiles brillèrent au ciel que le désespoir de la jeune femme amena un torrent de larmes et qu'elle se jeta à genoux à côté de son lit à rideaux blancs pour implorer la protection du ciel en faveur de son jeune mari. Elle pria pour lui avec l'extase et la ferveur de l'amour, se laissant entraîner par une espérance nouvelle qu'avaient fait naître ses ardentes supplications, et se représentant Edward au terme de son voyage, auprès de son père hors de danger, rendu à la santé peut-être, et retournant auprès d'elle avant que les étoiles eussent illuminé l'obscurité de la nuit d'été suivante. Elle pria pour lui, espérant et croyant tout, bien qu'à l'heure où elle était agenouillée à la faible lueur des étoiles, qui se jouait sur sa pâle figure et sur ses mains jointes, Edward Arundel fut étendu, meurtri et privé de connaissance dans une misérable salle d'attente d'une petite station du Dorsetshire et soignée par un obscur médecin de campagne, pendant que les employés effrayés couraient en tous sens pour trouver un véhicule qui transporterait le jeune homme à la ville voisine. Il était survenu un de ces accidents qui semblent être bien fréquents sur chaque ligne de chemin de fer, quelque bien administrée qu'elle soit. L'employé chargé de signaler l'arrivée des trains avait pris l'un pour l'autre. Un drapeau s'était abaissé trop vite. Et l'express avait rencontré un train de bagages venant d'Exeter avec un chargement de céréales pour les marchés de Londres. Deux hommes avaient été tués, un grand nombre de voyageurs blessés et quelques-uns grièvement. Parmi ces derniers figurait Edward Arundel, et ses blessures étaient peut-être plus dangereuses que celles de tous les autres.